Level Studio. Yeah. Ma fille. Taxi. Tellement belle que délai ou vie pas levé. On est du mal à encaisser, ou vie pas ou lever. Entre c'est là qui j'ai blessé, ou c'est là qui délaissé. Non pas j'ai rabaissé, ou pas fun si imbécile. Yo paré agressé, ou parce yo sa bondi et pire. Toujours fait en maquettant, ou fait très délébile. Diesel ou essence, faut ou prévent Paris. Là qui rive là en VIA, yo ka prend les paris. Yo ka jaloux sa ou ni, et même là ou pas ni. Yo vitouille espoir, ou pour le main ou pas vivre. Problème ka frappé. Tête en consisté en batterie. Amitié sélective, moi j'ai fait le tri. Qu'on a la loterie, faut ni les bons numéros. En cas monté, descend, conscient et libéraux. Qu'est-ce que je balafré, qu'on qu'est la ribéry. Mais au fond, la vie la belle, et qu'on a libéré. A toujours qu'avancer, en pas j'ai à la grève. La haine au bout du fil, l'amour manque à la paix. Pas qu'à vivre pour le paraître, mais pour bien disparaître. Même qu'à pêcher pas au cœur, pour ni stress et paillère. A toujours qu'avancer. En page à la grève. La haine au bout du fil, l'amour m'a qu'à la paix. Pas qu'à vivre pour le paraître, mais pour bien disparaître. Non qu'à pêcher pas au cœur, pour ni stress et paillère. La haine au bout du fil, l'amour m'a qu'à la paix. Et quand les problèmes s'enchaînent, tête à ou capelle. Toujours été fort, toujours été grêle. On sait ça facile à dire, et pire elle a fait. Difficile rêve, mais on plaît, les gens ont fait. RIP la matin. On joue à quai ouvert, un ion thérapie, rapé à quai ouvert. Léo Kapati, bien en carité cité. Via aux Saouni, tout ça éphémère. Mon là qui tourne, Léo qui en batteur. Gardez batou pita, ou toujours prévoir bapita. Villa c'est un pouta qui business est dur avec cash. Papé raché en page, c'est une ion tâche. Bayon douette, yo qui vit raché en bras. Pas à pas vers la lumière, sorti en l'ombrage. Toujours ni rayon à soleil, caché des. A toujours qu'avancer, en page à la grève. La haine au bout du fil, l'amour manque à la paix. Pas qu'à vivre pour le paraître, mais pour bien disparaître. Non qu'à pêcher pas au cœur, pour ni stress et paillère. A toujours qu'avancer, en page à la grève. La haine au bout du fil, l'amour manque à la paix. Pas qu'à vivre pour le paraître, mais pour bien disparaître. Non qu'à pêcher pas au cœur, pour ni stress et paillère. Toujours qu'avancer, en page à la grève. La haine au bout du fil, l'amour manque à la paix. Pas qu'à vivre pour le paraître, mais pour bien disparaître. Non qu'à pêcher pas au cœur, pour ni stress et paillère.